Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie de commencer la semaine avec Emmanuel Kant, le sage de Königsberg, né en 1724 et mort en 1804. Une vie exceptionnellement longue pour l'époque, qu'il investit pleinement. Acteur intellectuel majeur en son temps, il fut doyen, puis recteur de l'université de Königsberg en 1776. Il rencontra le souverain Frédéric Guillaume II, auquel il dédiera quelques lignes de son œuvre. En cours, son ton pince sans rire et sa rigueur intellectuelle l'ont rendu populaire auprès des étudiants. Dans la vie, c'était un homme d'habitude qui ne dévia que deux fois le cours de sa promenade quotidienne, lors de la publication du Contrat social de Rousseau et à l'annonce de la Révolution française. Son œuvre a marqué durablement l'histoire de la philosophie en se distinguant de ceux qui l'ont précédé et en ouvrant une voie nouvelle qui allait produire la fine fleur du romantisme. La critique de la raison pratique paraît en 1788. Et si elle constitue un événement majeur dans l'histoire de la philosophie, c'est que pour la première fois, la raison n'est plus seulement définie comme faculté de connaître, mais aussi comme une instance qui nous prescrit une loi pour agir. Bonjour Michael Fessel. Bonjour Adèle Venret. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'école polytechnique, un grand connaisseur de Kant auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages. Il vous accompagne depuis bien longtemps. Est-ce qu'on peut dire que Kant est un bon compagnon de vie ? Ce n'est peut-être pas un bon compagnon de vie dans le sens où on l'entend ordinairement, c'est-à-dire que vous l'avez rappelé, la vie d'Emmanuel Kant est une vie faite d'habitudes, de répétitions, et pour certains, dont je suis peut-être, si je devais la vivre moi-même, d'ennui, mais j'ai coutume de dire que je préfère peut-être, ou qu'il est bon, pas je, il est bon de vivre, je ne sais pas, comme Deleuze ou comme Foucault et de penser comme Kant, plutôt que l'inverse. Et si tout de même il peut accompagner, y compris des individus qui n'auraient pas le but de se plier à de telles règles comme il le fit lui-même, c'est parce que c'est un philosophe qui nous permet, on le vérifiera aujourd'hui à propos de la liberté, qui nous permet de penser, de construire des catégories, de maîtriser en quelque sorte l'immaîtrisable. C'est-à-dire qu'il s'est confronté en permanence, je crois, à ce qui excède nos facultés de connaître, à ce qui excède notre imagination, à ce qui, d'une certaine manière même, excède nos formes de vie. Mais il a toujours tenu, plutôt que d'épouser directement ce qui est plus grand que nous, de comprendre pourquoi un certain nombre de principes nous dépassent ou sont transcendants. De ce point de vue-là, je dirais que c'est un philosophe qui nous donne des moyens de maîtriser ce qui apparemment est le plus souvent subi, que ce soit par exemple même les idées de la métaphysique comme Dieu, l'âme ou la liberté. Il n'est pas forcément réconfortant au sens, disons, de certains philosophes qui peuvent être consolateurs, mais il est un excellent professeur, je dirais, pour donner un nom à ce qui nous dépasse. Un des obstacles qui nous éloigne de lui, pourtant, ce sont précisément les noms de ses œuvres. Et même quand on ouvre le livre aujourd'hui, La critique de la raison pratique, qui va nous accompagner cette semaine, qu'on va lire ensemble cette semaine, il suffit de regarder le sommaire pour être dissuadé de continuer la lecture. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, doctrine des éléments de la raison pure pratique, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, jusqu'à temps précisément qu'on donne un petit peu des éléments de ce vocabulaire. Alors Kant a parfois un vocabulaire un peu glissant, mais enfin néanmoins il fait un effort pour catégoriser, ce qui d'ailleurs rend son style, là je le reconnais, enfin son style du moins dans ce genre d'ouvrage, car il y en a certains qui sont un peu plus populaires. Beaucoup plus littéraires aussi. Un peu plus littéraires, mais la critique de la raison pratique, comme les deux autres critiques, sont des textes qui ne sont pas destinés, disons, au grand public, dans l'esprit même de Kant. Ce sont des textes un petit peu, non seulement spéculatifs, mais même à certains égards, scolastiques, parce que Kant invente un vocabulaire, ou alors le plus souvent d'ailleurs, il retrouve un vocabulaire traditionnel de la philosophie, mais lui donne un sens fondamentalement nouveau. C'est par exemple le cas du mot qui caractérise, somme toute, sa démarche ou sa méthode transcendantale. Hein, Kant n'invente pas le mot transcendantal, il hérite du Moyen-Âge, mais de la philosophie scolastique, mais il lui donne un sens absolument nouveau et transcendantal, pour le dire rapidement, toute recherche philosophique qui ne s'interroge pas sur la nature d'un objet, qu'est-ce que c'est que cette chose, qu'est-ce que c'est que cette essence, mais qui s'interroge sur les conditions de possibilité de sa connaissance. À quelles conditions de possibilité puis-je connaître un objet physique, par exemple ? Ça sera la critique de la raison pure. Quelles sont les conditions de possibilité de la liberté ? Ce sera, dit de la manière la plus rapide, la question de la critique de la raison pratique. Vous dites que Kant n'avait pas en tête de proposer un ouvrage qui s'adresse au grand public, et pourtant, une fois que le vocabulaire kantien devient familier, ce qu'il est dit dans cet ouvrage s'adresse à tout le monde et concerne l'existence de tout le monde. Comment se fait le lien de... comment se fait le passage de l'un à l'autre ? Les thématiques que Kant aborde sont des thématiques qui sont universelles. C'est même le principe qui les rend philosophiques à ses yeux. Et de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs vrai en général de la philosophie, il peut y avoir quelque chose d'un peu désagréable à se rendre compte que sur des choses aussi communes ou apparemment communes que l'existence, la liberté, des textes aussi techniques puissent ici être écrits. Alors concernant Kant lui-même, la critique de la raison pratique parle de choses qui, je crois, intéressent tout le monde, la liberté, le devoir, la religion aussi, en un sens, Dieu. Mais je crois que Kant le fait dans un... Il le fait d'abord dans une histoire, et puis c'est un livre qui, comme souvent, quand on, sans vouloir employer d'emblée un grand mot, un livre un peu révolutionnaire, c'est-à-dire un livre qui va transformer de fond en comble la manière dont on aborde une question philosophique classique, et la liberté, évidemment, on n'attend pas Kant pour parler de liberté en philosophie, c'est un livre qui, de ce point de vue-là, invente aussi une langue, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour dire la chose nouvelle, ou la nouveauté de la chose, la nouvelle manière de comprendre ce qu'est la raison, hein, vous l'avez indiqué dans votre introduction, Kant, dans ce texte, explique que la raison n'est pas seulement, et d'une certaine manière, n'est pas d'abord une faculté de connaître, mais qu'elle est d'abord une faculté de s'orienter dans l'action. Elle est le principe à partir duquel on agit moralement. Pour dire cela, c'est-à-dire pour dire quelque chose d'absolument neuf, il est courant qu'il faille employer un langage inédit. Encore un mot introductif avant d'entrer précisément dans le texte. Kant lui-même nous donne la clé pour comprendre ces deux premières critiques, la critique de la raison pure, à laquelle nous avons déjà consacré une semaine ici au chemin de la philosophie, il y a 2 ans, je crois, et la critique de la raison de pratique qui nous occupe cette semaine, c'est de dire, eh bien, chacune pose une question. La critique de la raison pure pose une question qui est « que puis-je savoir ?» La critique de la raison pratique pose une seconde question qui est « que dois-je faire ?» Ce qui est vraiment une question qui, pour le coup, on se pose très souvent au quotidien. En effet, et d'ailleurs, on ne peut pas répondre à la deuxième question pour Kant si on n'a pas au préalable répondu à la première. Parce que la critique de la raison pratique, c'est aussi un point qui doit être souligné. Kant n'avait pas prévu de l'écrire, en vérité, quand il a fini la critique de la raison pure. C'est-à-dire que l'idée qu'il fallait consacrer un ouvrage entier à la question de la morale n'a pas été immédiatement présente à son esprit. Et une fois rappelé d'ailleurs que Kant est devenu kantien sur le tard, puisque c'est seulement à 60 ans qu'il écrit la critique de la, ou que paraît en tout cas, la critique de la raison pure. Autrement dit, si je dis qu'entre que dois-je faire et que puis-je connaître, il y a un rapport, c'est que Kant, dans la critique de la raison pure, a, en un sens, été, comme certains le diront, le grand démolisseur de la métaphysique, c'est-à-dire de cette science qui prétend connaître les choses en soi, les essences, et en particulier, évidemment, Dieu, la liberté ou l'âme. Autrement dit, il a montré que nous ne pouvons pas, que l'homme n'avait pas accès à un savoir de ce qui dépasse les limites de l'expérience. Et si on en reste simplement à cette conséquence négative, nous n'avons pas accès par la connaissance au suprasensible, à ce qui dépasse l'expérience sensible, alors évidemment cela pourrait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, voire dévastatrices, sur la morale, si l'on considère, et c'est ce qu'on considérait majoritairement à l'époque de Kant, que pour savoir, pour pouvoir faire le bien, il fallait que j'aie une connaissance de ce bien. Alors cette formulation très générale, pour pouvoir faire le bien, je dois savoir ce qu'est le bien, elle peut trouver beaucoup de variations. En particulier, évidemment, pour pouvoir agir moralement, je dois me soumettre au principe du bien, c'est-à-dire à Dieu. Alors dès lors que Kant montre que nous n'avons pas de connaissance de Dieu, et que d'une certaine manière nous n'avons pas de savoir théorique pour définir le bien, la question se pose de savoir si nous pouvons néanmoins avoir un principe pour agir moralement, ou si nous devons tomber dans le relativisme moral. Mais ça, c'est révolutionnaire, pour reprendre votre terme, et le terme s'applique à Kant, qui l'emploie lui-même pour qualifier sa position dans l'histoire de la philosophie, mais aussi, je l'ai dit, comme commentateur de la Révolution française qui a lieu de manière contemporaine. Parce que jusqu'à lui, même si on remonte aux origines de la réflexion morale philosophique, jusqu'à Platon, disons, le bien et le mal sont une affaire de connaissance. Quand Platon dit « nul n'est méchant volontairement », ça veut dire que c'est une question la méchanceté est une question d'ignorance, qu'il suffit de connaître le bien pour bien agir moralement. Kant dissocie complètement la connaissance de la morale. Il dissocie la connaissance théorique, en tout cas de la morale. Il y a une connaissance morale, mais elle n'a pas un caractère, disons, de science, au sens où nous l'entendrons, et en particulier... Effectivement, sur cette question du bien et du mal, puisque nous parlons de la critique de la raison pratique, il est tout à fait notable que le chapitre consacré, disons, à la différence entre le bien et le mal ne soit pas du tout le premier chapitre, mais le deuxième, ce qui peut paraître étonnant, puisque précisément, on s'attend à ce que, au fond, un philosophe commence par définir le bien et le mal, et c'est à partir de là, sur la base de cette définition, que l'on peut établir des règles de conduite, en somme. Et c'est d'ailleurs, au fond, une tradition philosophique bien attestée. Kant renverse, c'est ça le caractère, disons, révolutionnaire, renverse cet ordre en expliquant que ce qui est premier, ce n'est pas le bien et le mal, c'est la loi qui va nous permettre de les distinguer. Et alors, évidemment, cela peut sembler être une... distinction de peu d'importance, de mettre la loi morale avant la différence entre le bien et le mal, mais ce n'est pas seulement un détail, c'est fondamental parce que la différence, c'est que nous ne connaissons pas la loi n'est pas un principe que nous appliquons, la loi morale n'est pas un principe que nous appliquons simplement à un donné. En revanche, le bien et le mal résultent de la loi, c'est-à-dire que ce qui contredit la loi morale pourra être déclaré mauvais, ce qui au contraire la confirme pourra être déclaré bon, mais bien et mal, on le voit ici, ne sont plus des choses ou ne sont plus des idées qui siégeraient ou trôneraient dans un ciel platonicien. Bien et mal sont le résultat d'un jugement et c'est le jugement de la raison pratique qui permet de les produire. Vous avez prononcé l'expression qui est la clé de voûte de la critique de la raison pratique, loi morale. Et pourtant, on a commencé l'émission en disant que c'était un livre sur la liberté. Comment est-ce que la liberté pourrait être compatible avec la loi ? C'est l'enjeu du texte que je vous propose de découvrir dès à présent. Si on ouvre la critique de la raison pratique, dans la première partie, le livre premier, chapitre 1, parce qu'évidemment il y a toute une hiérarchie, une catégorisation des arguments kantiens, on trouve ce texte qui a l'avantage d'être descriptif, facile à comprendre. Hein. Un homme qui dirait qu'il ne peut pas se soumettre à une loi parce qu'il est guidé par son désir, eh bien si on lui propose une menace telle qu'il doive renoncer à son désir, y compris la luxure, peut-être arrivera-t-il à comprendre qu'il peut agir autrement que par son désir. Écoutez ce texte, c'est Georges Clès qui l'y compte. C'est la loi morale dont nous prenons immédiatement conscience qui d'abord s'offre à nous. La raison qui nous présente cette loi morale comme un fondement de la détermination qui n'a à être dominée par aucune condition sensible et qui, bien plus, en est complètement indépendant, nous conduit précisément au concept de liberté. Mais comment la conscience de cette loi morale est-elle donc possible? Supposez que quelqu'un allègue à propos de son inclination à la luxure qu'il lui est absolument impossible d'y résister quand l'objet aimé et l'occasion se présentent à lui. Si, devant la maison où cette occasion lui est offerte, un gibet se trouvait dressé pour l'y pendre aussitôt qu'il aurait joui de son plaisir, ne maîtriserait-il pas alors son inclination? On devinerait immédiatement ce qu'il répondrait. Mais demandez-lui si dans le cas où son prince prétendrait le forcer sous la menace de la même peine de mort immédiate, à porter un faux témoignage contre un homme intègre qu'il voudrait supprimer sous de fallacieux prétextes, il tiendrait alors pour possible, quelque grand que puisse être son amour pour la vie, de le vaincre quand même. Il n'osera peut-être pas assurer qu'il le ferait ou non, mais que cela lui soit possible, il lui faut le concéder sans hésitation. Il juge donc qu'il peut quelque chose parce qu'il a pleinement conscience qu'il le doit, et il reconnaît en lui la liberté qui, sinon, sans la loi morale, lui serait restée inconnue. Kant est beaucoup plus coquin que ce que l'on croit. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de la critique de la raison pratique cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Michael Fessel. Dans le texte que nous venons d'entendre, Kant prend l'exemple d'un homme qui, dit-il, a une forte inclination à la luxure pour prouver l'existence de la loi morale. Quel lien entre la luxure et la loi morale ? Alors, d'abord, cet exemple, c'est un exemple qu'il emprunte à Rousseau, et c'est tout à fait révélateur de ce que vous disiez, ou ce que nous disions en commençant, c'est-à-dire que Kant, c'est quelqu'un qui, évidemment, ne peut pas avoir a priori une expérience de ce dilemme de la luxure. Non, je dirais a priori. Bon, oui. Nous ne pouvons en juger qu'à travers ce que nous savons de lui biographiquement, mais qui va prendre des exemples à des auteurs plus littéraires que lui, plus imaginatifs peut-être en ce sens, comme Rousseau, pour les investir philosophiquement. Alors quel rapport ? En réalité, on ne peut pas comprendre un exemple séparé de l'autre. Il y a deux exemples pris ici par Kant. Le premier, qu'on a souvent retenu parce qu'il est le plus spectaculaire, c'est celui d'un homme donc qui, devant un lieu de luxure, donc on imagine un lieu de prostitution par exemple, ou de plaisir sexuel intense, pourrait rentrer, aurait alors... prenons pour l'instant des guillemets, la liberté de rentrer, mais avec la certitude au retour, si je puis dire, ou à la sortie, d'être immédiatement pendu. Et Kant répond, il est à peu près certain, dans ce cadre-là, qu'il choisirait de s'abstenir. Le principe de conservation l'emporterait donc sur le principe de plaisir, dirait-on, non pas parce que Kant, justement, n'a aucun intérêt au plaisir sexuel, ou que la philosophie kantienne mettrait là quelque chose de négatif, simplement pour une question logique, qui est que celui qui est animé par le désir de luxure peut vouloir que ce désir se prolonge, autrement dit, au-delà, peut vouloir ne pas mourir, simplement. Mmh. Bon. Mais au fond, là, il n'y a pas de liberté. Ce n'est pas là que se livre la liberté, parce que pour Kant, nous avons le choix, entre guillemets, si nous sommes dans cette situation, entre deux principes, ou plutôt deux mobiles qu'il appelle pathologiques, soit simplement la survie, alors ça veut dire ne pas évidemment se rendre sur le lieu de luxure, soit le plaisir. Il n'y a ici, au fond, qu'un calcul entre deux choses qui peuvent être, ou deux désirs qui peuvent entrer en contradiction, le désir de jouir et le désir de survie. En fait, Kant répond ici à certains détracteurs qui pourraient dire que la loi morale n'est pas aussi compliquée que ce que Kant laisse croire. En fait, on peut en faire l'expérience dès lors qu'on arrive à renoncer à une inclinaison. C'est-à-dire dire, voilà, je suis tenté, c'est la tentation du plaisir d'aller assouvir mes besoins dans une maison close, mais si l'on me dit que je mourrai en sortant, alors je m'abstiens, ça veut donc dire que je suis capable d'un comportement moral. Non, nous dit Kant, la morale ne se situe pas là. Elle ne se situe pas là parce qu'au fond, être moral, ce n'est pas départager des mobiles sensibles dont l'intensité serait plus ou moins grande en fonction des circonstances. Il n'y a au fond rien d'immoral à entrer dans la maison de luxure, il n'y a rien d'immoral non plus à y renoncer parce que nous avons peur ensuite d'y être exécutés. En revanche, la question morale... elle se pose dans le deuxième exemple qui a été lu, c'est-à-dire cette fois-ci, le choix porte entre la satisfaction d'un désir alors sensible, qui est la survie aussi, puisque nous sommes menacés par un prince de mort si jamais nous ne faisons pas, ou si le sujet ne fait pas un faux témoignage, ne porte pas un faux témoignage, et puis, alors c'est là que tout se joue, la deuxième branche de l'alternative consiste à refuser de porter un faux témoignage, même si la conséquence sera pour nous une condamnation, même à mort, parce que là, Kant explique que il ne s'agit plus d'opposer la satisfaction de deux désirs, de calculer entre deux désirs pathologiques ou sensibles simplement distincts, mais ce qui est en jeu, c'est l'opposition entre une loi, ne pas porter de faux témoignages, c'est la loi morale, c'est la loi de la raison, et puis un désir qui est celui, parfaitement d'ailleurs légitime, de vouloir survivre. Et la thèse de Kant, c'est de dire, comme nous pouvons, ce qui ne veut pas dire que dans la majorité des cas, nous le faisons, nous le ferions. Mais comme nous pouvons aller jusqu'à mourir ou prendre le risque de la mort, plutôt que de faire un acte, de porter un acte ou de produire une action qui contredirait la loi morale, de cela nous savons que nous sommes libres. C'est-à-dire, c'est la formule si importante, tu dois donc tu peux. C'est-à-dire, dès lors que je dois ne pas porter de faux témoignage, on reviendra peut-être dans un instant pour savoir pourquoi c'est immoral, mais dès lors que je dois ne pas porter un témoignage, je le peux jusqu'au risque de ma mort. Et là, par rapport au premier exemple, Il y a une différence fondamentale, c'est qu'il n'est pas ici question d'un calcul des plaisirs ou des déplaisirs. Il n'est pas ici question d'un calcul des risques. Est-ce que je prends le risque de mourir si je vais dans un lieu de débauche ? Ici, il y a l'opposition entre un calcul, le risque de survie, et puis une loi inconditionnée, un impératif que Kant appelle catégorique, voulant dire ici, qui n'admet pas d'exception. Autrement dit, on change, il y a une différence qualitative, et dans cette différence qualitative entre ce qui relève de la nature, ou du calcul sensible, le calcul en termes de coûts et de bénéfices, dirait-on aujourd'hui, et puis l'impératif, dans ce saut qualitatif, vient se placer toute la différence entre nature et liberté. Et c'est peut-être là où c'est le plus difficile à comprendre, donc restons-y, quelle différence réelle entre le gibet et la loi morale, pour reprendre les deux exemples? Dans les deux cas, on peut être puni. Dans le premier cas, on meurt immédiatement. Dans le cas de la loi morale, enfreindre cette loi ne va pas nous tuer, mais peut produire un sentiment de culpabilité ou la certitude d'avoir enfreint quelque chose qu'on ne devrait pas enfreindre. Dans les deux cas, il y a quand même une forme de punition. Il y a une forme de punition pour celui qui a du remords, mais Kant explique souvent que le remords est une attestation, certes négative, mais une attestation de la force, malgré tout, de la loi morale, effectivement. Mais néanmoins, vous m'accorderez qu'entre le remords et puis la, le fait d'être non seulement condamné à mort, mais exécuté pour ne pas avoir porté, pour avoir refusé, pardon, de porter un faux témoignage, eh bien le courage est plutôt quand même du côté de celui qui prend le risque de mourir, plutôt que simplement qui est puni par le sentiment du remords. Mais en quoi cette loi atteste-t-elle de la liberté de l'homme ? Elle atteste c'est de ça, la liberté question. Parce qu'elle atteste de la possibilité de s'abstraire, d'être indépendant de tout motif sensible, de tout mobile, pardon, sensible. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui refuse, pensons même à la figure du résistant, par exemple, une forme héroïque, je dirais, d'opposition à l'injustice, celui qui refuse, mettons même sous la torture, de donner le nom de ses complices, eh bien celui-là manifeste jusqu'à ce qui touche au principe même du sensible, c'est-à-dire la survie, le principe de conservation, son indépendance par rapport à cela. Il ne suffit évidemment pas de dire que nous sommes libres parce que nous pouvons nous sacrifier en général et pour n'importe quelle raison. Nous sommes libres pour Kant au sens fondamental du terme, c'est-à-dire autonomes. Nous sommes autonomes, c'est-à-dire nous sommes en mesure de n'obéir qu'à la loi morale et à rien d'autre. Et c'est en obéissant à cette loi au pris parfois de notre vie que s'atteste le mieux, je dirais, notre liberté. Maintenant, il faut tout de suite préciser que la morale kantienne n'est pas pour autant une morale de l'héroïsme. Il prend cet exemple volontairement, je dirais, de manière non pas seulement rhétorique, mais au bon sens du terme, pour bien faire percevoir les choses. La morale kantienne est une morale quotidienne. Fort heureusement, nous n'avons pas en général, nous ne sommes pas mis en général, en règle générale, devant l'alternative ou bien suivre la loi morale ou bien mourir. Mais néanmoins, la possibilité, je dirais, métaphoriquement, de mourir à un désir, c'est-à-dire de renoncer à un désir, dès lors qu'il entre en contradiction avec la loi morale. Cette possibilité atteste de notre liberté. Mais si ce désir ne s'oppose en rien à la loi morale, à l'impératif catégorique, il n'y a pas de raison du tout d'y renoncer. Le terme clé ici, on va avancer comme dans un lexique en fait kantien, c'est celui d'autonomie. Autonomie, se donner à soi-même sa propre loi, quand on fait le fondement de la morale, c'est un terme qu'il tient de Rousseau, là encore, Rousseau qui l'avait appliqué de manière politique dans son contrat social. Alors il tient l'idée, sinon le terme de Rousseau, bon l'idée de Rousseau, était, enfin la thèse de Rousseau consistait à dire que la véritable liberté politique, c'était la liberté pour un peuple de n'obéir qu'aux lois auxquelles il aura lui-même souscrit, autrement dit. C'est cette thèse fondamentale, alors que Kant là va beaucoup approfondir, que la liberté, la vraie liberté, la liberté comme autonomie, non seulement ne s'oppose pas à l'obéissance, mais qu'elle est liée à une obéissance, c'est-à-dire obéir à une loi qui n'est pas une loi. Parce que là, il y aurait contrainte qui nous vient de l'extérieur. Et là aussi, on voit le caractère, mais en tout cas de rupture de Kant, c'est-à-dire que il appelle morale de l'hétéronomie, les morales donc qu'il combat d'une certaine manière, toutes les morales qui font dépendre notre action d'une loi aussi sublime soit-elle, mais qui serait, dont le législateur serait extérieur au sujet humain, au sujet libre. Par exemple donc, les lois divines. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une loi est considérée comme divine qu'elle doit être morale. Je dirais d'une certaine manière, pour Kant, nous devons, c'est la loi morale de la raison, qui peut être considérée comme divine en un sens, c'est l'inverse. Donc Kant, l'autonomie c'est d'abord un concept critique au sens kantien, c'est-à-dire un concept qui nous permet de faire le départ, de distinguer entre les lois qui viennent de la société ou, à l'époque de Kant, fondamentalement encore une fois, de la religion, mais même aussi de l'État, et puis une loi qui vient de la raison, qui est universelle en ce sens. Évidemment, la grande différence entre la loi morale et les autres lois de l'action, les lois ou les principes de l'action venus de l'extérieur, c'est que la loi morale n'a pas de contenu. C'est-à-dire qu'elle ne dira pas simplement ou elle ne se réduit pas à des prescriptions matérielles. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, même si elle peut impliquer tout cela. La loi morale, c'est une forme. C'est la forme de l'universalité, c'est la question que l'on doit se poser, ou c'est plutôt l'instance, qui permet de répondre à la question « ce que je m'apprête à faire, est-ce universalisable ? Ce que je m'apprête à faire, est-ce moral ? » C'est-à-dire, est-ce que cela peut devenir, est-ce que mon intention peut devenir l'intention de tout autre ? Et si oui, alors mon intention deviendra morale. Le critère ici est formel, il n'est pas matériel. C'est aussi un contenu. Faire en sorte que la maxime de mon action puisse être universalisable, c'est déjà proposer un contenu à la morale. Il faut que celle-ci soit universelle pour être morale. Oui, mais l'universalité est un critère formel. C'est-à-dire que universel ici veut dire si tout autre que moi adoptait cette intention, est-ce qu'il y aurait contradiction ? Donc c'est un critère purement logique. Il faut peut-être prendre un exemple pour le comprendre. Et l'exemple qui est d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, qui est central chez Kant, en tout cas qui revient le plus souvent, c'est justement cet exemple du mensonge. Est-ce que si j'ai comme maxime, la maxime c'est une règle d'action que je me propose, subjectivement, est-ce que si j'ai comme maxime, comme intention, disons, de mentir, est-ce que cette maxime est universalisable ? Autrement dit, si tout le monde ment, est-ce que le monde... Est-ce que le monde est vivable et surtout d'ailleurs, est-ce que le mensonge aurait encore un sens ? C'est-à-dire que là où l'universalisation dans ce cas-là devient contradictoire, c'est que par définition, le menteur compte sur la vérité. En plus exactement, il compte sur la croyance en la vérité de celui à qui il ment. Un monde, au fond ce que veut dire Kant, c'est que le menteur ne pourrait universaliser sa maxime, c'est-à-dire en faire une loi, parce que de ce point de vue-là... il se contredirait lui-même puisqu'il atteste par son mensonge même de sa croyance en quelque sorte en la vérité. Et donc la loi du mensonge est une loi qui est au sens littéral si je puis dire une loi immonde, elle ne permettrait pas de faire un monde et par contre monde voulant dire ici universalité, tout le monde admettrait cette propre maxime. Par conséquent, nous savons d'un savoir pratique de ce que Kant appelle un savoir moral pour le coup, nous savons que le mensonge est immoral parce que celui qui ment s'excepte d'une loi que par ailleurs il reconnaît. Et au fond, la figure du mal chez Kant, c'est toujours celle de celui qui s'excepte du mal, tout en comptant que les autres, en revanche, eux, qui s'acceptent du bien, pardon, tout en comptant en revanche que les autres y croient. C'est la figure de la duperie, pas forcément d'ailleurs de la duperie des autres, mais aussi de la duperie de soi. Allez, je m'autorise un petit mensonge, ça sera le dernier, comme l'alcoolique pense que il boira son dernier verre. Je précise que pour Kant, l'alcoolisme, en revanche, lui ne relève pas au sens strict de l'immoralité, puisque là, il s'agit d'un comportement sensible. Mais le mensonge, en revanche, c'est-à-dire, au fond, s'excepter du régime humain de la connaissance pour son propre bénéfice, alors là, c'est la figure même de ce que Kant considère comme mauvais. Dans quelle mesure se donner à soi-même sa propre loi, donc agir de manière autonome, est-il un gage de moralité ? Puisque vous avez dit que la morale, la loi morale, telle que la décrit Kant, est d'abord formelle. Le critère est celui de l'universel, non pas d'un contenu. Il ne faut pas faire telle ou telle action, mais agir de telle manière que mon action pourrait être reprise par n'importe quel individu sur Terre et que le monde s'en porterait ainsi sans doute mieux. Mais si on suit jusqu'au bout ce raisonnement, alors ça veut dire que la loi que nous nous choisissons pour notre agir n'est pas en elle-même morale. C'est-à-dire que peut-être que la loi que nous allons choisir et nous donner à nous-mêmes est une loi mauvaise, est une loi qui me permet de faire le mal. En d'autres termes, si la morale kantienne est abstraite et formaliste, alors rien n'empêche d'agir au nom de la liberté, au nom d'une loi qu'on se donne à soi-même et de nuire à autrui. Je vous propose un cas particulier pour comprendre ce vertige, parce que c'en est un, dès lors qu'on parle de liberté, de loi qu'on se donne à soi-même. C'est un exemple tiré des caves du Vatican, le livre d'André Gide. Le personnage Afcadio voyage en train, En face de lui se trouve Fleurissoir. Le problème de Fleurissoir, c'est qu'il est plein de toc. Il ne cesse de remettre sa cravate dans le bon sens, il joue avec la lumière, bref, il est insupportable. Et tout d'un coup, le personnage se dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche de pousser Fleurissoir par la portière du train ?» Il est seul dans le compartiment, personne ne les observe. Ce serait un acte gratuit. Même pas faire le mal pour faire le mal, mais rien ne l'empêche de le faire. Il le choisirait lui-même, il se donnerait à lui-même sa propre, la propre loi de son agir, et il ne serait jamais puni. Écoutez ce texte formidable, incroyable, très très beau, lu par Georges Clès, et vous nous direz ensuite en quel sens Kant aurait quelque chose à dire à cet acte libre et gratuit. Qui le verrait ? Pensait l'Afcadio. Là, tout près de ma main, sous ma main, cette double fermeture que je peux faire jouer aisément. Cette porte qui, cédant tout à coup, le laisserait crouler en avant. Une petite poussée suffirait. Il tomberait dans la nuit comme une masse, même on n'entendrait pas un cri. Et demain, en route pour les îles, qui le saurait ? La cravate était mise. Un petit nœud marin, tout fait. À présent, Fleurissoir avait repris une manchette et l'assujettissait au poignet droit. Et ce faisant, il examinait au-dessus de la place où il était assis tout à l'heure la photographie de quelques palais près de la mer. Un crime immotivé, continuait l'Afcadio. Quel embarras pour la police. Au demeurant, sur ce sacré talus, n'importe qui peut, d'un compartiment voisin, remarquer qu'une portière s'ouvre et voir l'ombre du Chinois cabrioler. Du moins, les rideaux du couloir sont tirés. C'est pas tant des événements que j'ai curiosité que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d'agir, recule. Qu'il y a loin entre l'imagination et le fait, et pas plus le droit de reprendre son coup qu'aux échecs. Bah, qui prévoirait tous les risques, le jeu perdrait tout intérêt. Entre l'imagination d'un fait et... Tiens, le talus cesse. Nous sommes sur un pont, je crois. Une rivière. Sur le fond de la vitre, à présent noire, les reflets apparaissaient plus clairement. Fleurissoir se pencha pour rectifier la position de sa cravate. Là, sous ma main... Cette double fermeture, tandis qu'il est distrait et regarde au loin devant lui, joue, ma foi, plus aisément encore qu'on eût cru. Si je puis compter jusqu'à 12 sans me presser, avant de voir dans la campagne quelques feux, le tapir est sauvé. Je commence. 1, 2, 3, 4, lentement, lentement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un feu. Oui, vous pouvez prendre le train en route, sur les chemins de la philosophie. Le train va loin, mais vous risquez d'être poussé par-dessus bord. Dans votre compartiment se trouve l'Afcadio, le personnage des caves du Vatican, d'André Gide, qui illustre à sa manière un des écueils ou une des objections qu'on peut faire à la morale kantienne, Michael Fessel. Ce personnage agit absolument librement, loin des regards de quiconque, donc même la question de la moralité ne se pose pas, il n'a même pas peur d'être jugé, parce que personne ne voit qu'il pousse ce corps dans la nuit, et pourtant, personne ne dirait qu'il agit ici de manière morale, Michael Fessel. Certainement pas Kant, en tout cas. Parce que, en réalité, donc, on peut déjà discuter de savoir si même du point de vue du texte de Gide, quelque chose comme un acte gratuit existe, puisque on a bien perçu ici que l'Afcadio est pris dans toutes sortes de raisonnements, de tentatives déjà d'anticipation de son geste, autrement dit de ce que Kant interpréterait plutôt comme des impératifs hypothétiques. Si je le pousse, alors qu'est-ce que je crains? Si vraiment je commence à compter le nombre de... je compte jusqu'à 12, pardon, est-ce que je vais voir un feu? Si jamais je vois un feu, alors je le pousserai, ce qui d'ailleurs du reste va se produire. Ce qui est... Alors, là, non seulement discutable quant à la notion de savoir si c'est gratuit, mais en plus, alors absolument contradictoire avec ce que Kant appelle acte libre, parce que dans le simple exemple du feu, si je vois un feu avant d'avoir fini de compter jusqu'à 12, je pousse pour l'occurrence, eh bien, je délègue à l'expérience, c'est-à-dire, disons, à la nature en l'occurrence, ou à la temporalité que je vis, le soin de décider à ma place. C'est-à-dire que c'est le hasard qui va faire, ou plutôt la nécessité physique, en l'occurrence du passage du train qui va faire que je vais voir un feu, qui va au fond fonder, expliquer mon action. Donc on est non seulement ici pas dans de l'autonomie, mais on est dans le contraire même de toute forme de liberté, puisque ce sont les hasards qui décideront à ma place pour que je n'ai pas à le faire. C'est le premier point, évidemment, qui déjà met l'exemple très loin de ce que Kant appelle morale. Mais là où effectivement on peut parfois penser qu'il y a entre l'acte gratuit tel qu'il est ici supposé, ou en tous les cas tel que Gide pose la question de son existence, et puis l'autonomie un rapport, c'est la formule par laquelle on définit le plus souvent, hein, moi aussi, l'autonomie, c'est-à-dire le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Alors évidemment, là, je dirais que la tendance à comprendre autonomie comme indépendance absolue, ce qui est une erreur, pour Kant une erreur fondamentale, cette tendance... C'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose, c'est même rigoureusement le contraire. Et aujourd'hui, quand on dit autonomie, d'ailleurs à tout bout de champ, autonomie des universités, autonomie de l'entreprise, autonomie de l'individu, en réalité, le plus souvent, c'est une figure très... c'est une conception, pardon, ultra-individualiste, je me donne à ma propre loi. Mais alors, à l'extrême limite, la figure de celui qui se donne sa propre loi, c'est-à-dire au fond, qui se fabrique, qui se confectionne sa propre loi, c'est la figure du mal pour Kant. C'est-à-dire, c'est celui qui, on parlait tout à l'heure de l'exemple du menteur, c'est celui qui va construire une loi pour laquelle, ou à l'intérieur de laquelle, le mensonge est interdit aux autres, mais permis à lui-même. La loi que je me donne à moi-même, il faut s'entendre sur le sens, au sens kantien du je. Oui. Ce n'est pas moi comme individu qui me forge une loi. La raison pratique, dont je suis certes comme sujet le dépositaire, mais au même titre que tout autre humain, la raison pratique produit une loi qui devient la mienne au sens où je peux l'appliquer, où elle devient même applicable par tous, cette loi consistant encore une fois à vouloir universaliser ces maximes. Ce n'est pas une loi que je me fabrique, ce n'est pas une loi que je me forge. Mais elle est toujours déjà là. Elle est toujours déjà là, du reste Kant l'appelle fait de la raison, elle a un caractère factuel, c'est-à-dire que dès lors que je m'apprête à agir, dès lors que j'ai une intention, se pose la question de savoir si cette intention est ou non universalisable. Mais le critère de cette loi, qui est le critère de l'universalisation, est le même pour tous. Ce n'est donc pas ma petite loi, moi, si je puis dire, ma petite entreprise morale. C'est une loi qui ne vaut que si elle vaut universellement. Et dès lors, la question de l'afcadieu est réglée, puisque le crime, quelles que soient ses motivations psychologiques, qu'il soit passionnel ou qu'il émane de la passion du jeu, un peu comme l'afcadieu, le crime est immoral parce qu'il est inuniversalisable. Mais l'universel est le présupposé de la morale kantienne. Pour que celle-ci tienne, il faut postuler que nous sommes tous constitués de la même façon, que cette loi morale est universellement répandue chez chaque individu. Comment le prouve-t-il ? Enfin, c'est un présupposé. Il présuppose surtout, si présupposé il y a, que cette loi vient de la raison, c'est-à-dire de la faculté de l'universel. Par conséquent, elle n'est pas là comme quelque chose qui trônerait dans notre esprit, en un sens. Elle est une nécessité du raisonnement, au sens fort du terme. C'est-à-dire que Kant, ça c'est plutôt d'ailleurs dans le texte qui précède, la critique de la raison pratique, qui en est une version, certes avec des différences, mais enfin une version plus accessible, qui s'appelle les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant ne prétend pas du tout fonder une nouvelle morale, hein, il ne prétend pas du tout arriver avec des principes moraux d'action, que dois-je faire au sens concret du terme, il fait une analyse de la moralité, c'est-à-dire qu'il part dans les fondements en particulier, parfois un peu dans la critique de la raison pratique, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'expérience morale, c'est-à-dire de ce qui subjectivement se produit lorsque nous sommes amenés à devoir prendre des décisions qui sont des décisions d'importance. Et je dirais qu'il formalise, alors de manière très élaborée, mais il formalise quelque chose d'assez courant, je dirais, ou d'assez répandu, à savoir que lorsque je me pose la question de savoir, avant d'agir, hein, si mon intention est morale, je me pose la question de son universalité, c'est-à-dire, au fond, est-ce que j'admettrais que les autres en fassent autant, hein. C'est donc, d'ailleurs, c'est un point de vue, une thèse que Kant retrouvera plus tard dans son œuvre, dans la critique de la faculté de juger, la définition même du sens commun, hein, c'est-à-dire le fait de penser d'une certaine manière du point de vue de l'autre, alors qu'il n'a pas un sens directement ici moral, mais qui est très important dans la philosophie kantienne en général, c'est-à-dire que la question de la liberté, évidemment, c'est une question qui pose problème en ce sens qu'elle peut être comprise, comme elle l'est dans les mauvaises conceptions de l'autonomie, comme très individualiste, c'est-à-dire je suis libre contre le monde, ou ma part de liberté, c'est la part que j'arrache aux autres. Hein. Donc autrement dit, cette conception un peu libérale n'est pas celle de Kant, parce que la liberté, selon Kant, c'est la liberté morale, et a fortiori d'ailleurs la liberté politique, mais même la liberté morale, elle implique toujours déjà le point de vue de l'autre. C'est ce qu'on retrouvera dans l'une des formules de l'impératif catégorique, traiter autrui toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Mais ça, c'est quand même un contenu déjà. Agit de telle sorte que de toujours traiter autrui comme une fin et pas comme un moyen, ça vient de quelque part. Est-ce que c'est la formulation que Kant propose après avoir observé empiriquement au nom de quoi les hommes agissent, ou est-ce que c'est la formulation d'une forme quand même de prescription? C'est une c'est prescriptif, c'est incontestable. Voilà, donc la morale kantienne est aussi un peu prescriptive. La morale est prescriptive. C'est-à-dire, Kant essaie de rendre compte de ce fait fondamental qui est que nous agissons selon des normes. Alors parfois nous désobéissons à des normes, d'où parfois des phénomènes de remords, mais la question centrale est tout de même de savoir d'où vient que notre action n'est pas purement déterminée par des causes physiques ou même d'ailleurs par des raisonnements de type psychologique. En ce sens, d'où vient cette forme de gratuité. D'ailleurs, Kant dit l'homme, c'est ce seul être qui n'a pas seulement un prix mais une dignité, donc quelque part il échappe par quelque chose, plutôt il échappe à toute espèce de calcul, ce quelque chose c'est sa liberté. Donc effectivement, la morale est prescriptive, elle est normative. Mais la norme, on peut considérer qu'elle vient d'un dieu, on peut considérer qu'elle vient de la société, hein, ce sera la perspective sociologique de Durkheim par exemple sur la morale, on peut considérer qu'elle vient de la famille, on peut considérer mille choses, mais Kant lui affirme que cette norme, il est possible de montrer qu'elle relève de la raison pratique, en ce sens que la raison est pratique du reste, autrement dit, qu'elle ne vient pas de l'ordre d'un autre ou de l'injonction d'un autre, ni des habitudes, on peut la reconstituer formellement, et y compris dans la formule traiter l'autre comme une fin et pas comme un moyen, eh bien c'est une des conséquences du principe d'universalisation. Ce n'est pas parce que l'autre m'apparaît dans sa dignité, c'est parce que je lui prête nécessairement, si je m'accorde à moi-même ma liberté, je ne peux pas ne pas lui reconnaître aussi cette même liberté, puisqu'elle vient d'une source qui nous est commune, à savoir la raison. Mais quand je vous parle du présupposé universaliste, il faut aussi remettre dans un contexte qui est celui de Kant, et qui, quand il investit la raison de cette potentialité, c'est même plus que ça, il assigne la raison comme étant l'origine même de la liberté. Il est dans un contexte où il s'agit de redonner à l'homme son pouvoir de décision, de le dissocier de celui de Dieu ou d'impératif extérieur. Est-ce que aujourd'hui, cette notion même d'universalité n'est pas précisément remise en question? On serait davantage dans une forme de, si ce n'est de relativisme, au moins de scepticisme, qui consisterait à dire, mais attendez, ce qu'il dit est valable peut-être pour l'Occident, mais pas dans d'autres pays. Rien ne me prouve que chacun possède en lui non seulement cette possibilité d'être libre, mais surtout les mêmes maximes à leur action. C'est-à-dire, on peut effectivement dire cela, mais dans ce cas-là, il faudrait faire dépendre ce que Kant appelle forme, c'est-à-dire en somme toute la logique, hein, puisque ce sont deux principes, l'universalisation et la non-contradiction, qui interviennent, et pas plus. Il faudrait faire dépendre ces principes logiques eux-mêmes, et formels eux-mêmes, d'une certaine culture, ce qui me paraît être, discutable. Mmh. Il est évident que les mœurs sont distinctes d'une civilisation à l'autre, d'une époque à l'autre, mais Kant ne s'intéresse pas tellement, lui a d'ailleurs beaucoup reproché, aux mœurs, c'est-à-dire à la manière dont nous conduisons notre action de telle ou telle manière en fonction de nos héritages culturels respectifs. Il essaie de chercher un noyau de rationalité universelle, c'est-à-dire si la morale existe, si une morale universelle existe, pas des différences de mœurs, si une morale universelle existe, alors c'est celle qu'il fonde. Ensuite, évidemment, on pourra toujours opposer à cela d'autres perspectives, mais si on prend les exemples qui sont les plus souvent utilisés par Kant, le crime ou le mensonge, alors il me semble qu'il serait difficile de trouver des sociétés dans lesquelles on aurait érigé en loi ce qui d'une manière générale est considéré comme une faute, ce qui doit être caché pour pouvoir être réalisé, car c'est aussi un des principes fondamentaux de ce que Kant appelle loi morale, dès lors que le secret est la condition de possibilité de la réussite de mon action. C'est-à-dire, au fond, dès lors que j'ai besoin, pour agir, de cacher les motifs véritables de mon action, alors cette action est immorale. Kant est un coquin, je l'ai dit, c'est aussi un esthète. Et si on arrive directement à la fin de la critique de la raison pratique à la conclusion, je rassure évidemment les auditeurs, on a encore 3 jours pour en parler, mais avec vous, Michael Fossel, l'émission touche à sa fin. Je voudrais qu'on aborde, puisqu'on a beaucoup parlé de la loi morale, ce qu'est cette loi morale, qu'on aborde une dimension surprenante peut-être de ce texte, qui est l'identification que Kant fait entre la loi morale en lui et le ciel étoilé au-dessus de lui, ce qui donne une dimension quasiment sublime, et je choisis ce terme à dessein, à la réflexion morale proposée par Kant. Deux choses remplissent l'esprit d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure de la fréquence et de la persévérance avec laquelle la réflexion s'y attache. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas à les chercher comme si elles étaient enveloppées de ténèbres ou situées dans une région transcendante au-delà de mon horizon. Et je n'ai pas à les conjecturer seulement. Je les vois devant moi et je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. Bien sûr, Beethoven solennise et rend un peu tragique cette affirmation, mais la solennité est quand même présente dans ce texte, Michael Fossel, de manière un peu étrange. Kant parle d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante à mesure de la fréquence et de la persévérance avec laquelle la réflexion s'y attache, la comparaison entre le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Mais oui, le ciel étoilé et la loi morale ont un point commun. Ce sont deux figures de l'incalculable. Le ciel étoilé parce que le nombre d'étoiles que j'y découvre est sans cesse supérieur, ou potentiellement en tout cas supérieur à ce que je peux dénombrer. Autrement dit, il y a là quelque chose qui, effectivement, que Kant plus tard appellera sublime d'ailleurs, c'est-à-dire l'expérience d'une grandeur qui dépasse toutes mes prévisions ou toutes mes représentations. Et cette grandeur est vécue, n'est pas, ou plutôt est perçue, je parle toujours là du ciel étoilé, elle n'est pas perçue nécessairement comme une humiliation. C'est-à-dire, ce texte est assez pascalien, au fond, hein, ce texte de Kant qu'on vient d'entendre. Il y a à la fois le sentiment d'une forme de misère, disons que c'est celui, c'est la misère de l'infiniment petit comparé à l'infiniment grand du ciel, et en même temps, vous l'avez rappelé, une certaine jouissance liée, ou un certain plaisir lié à cette grandeur. Alors, ce qui, je crois, se comprend relativement bien pour le ciel étoilé peut sembler peut-être plus étrange pour la loi morale, mais somme toute, il y a là une analogie, parce que la loi morale, c'est ce qui, certes, dès lors qu'elle est appliquée, peut m'interdire. Je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit de voler. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a une forme, d'ailleurs Kant le dit, hein, d'humiliation de notre amour-propre par la loi morale. Mais il y a, sinon une jouissance, du moins une grandeur plus grande que cette humiliation dans le fait de résister à la tentation, si je puis dire, et celle-là, il l'appellera justement liberté. Et ici, Kant suggère que ce qui rapporte l'homme au monde, ce n'est pas tant sa dimension physique qui, elle, le rapporterait toujours, ou sensible, le rapporterait toujours à sa finitude, mais ce qui dans l'homme excède l'homme, et encore une fois, on pourrait paraphraser ici Pascal, et que dans le sentiment de sublime face au ciel étoilé, et dans le sentiment de ma liberté de pouvoir résister à tout ce qui par ailleurs me donne ou me fait envie, eh bien il y a ce que Kant appelle la dignité humaine, et qu'il ne faut pas comprendre comme quelque chose d'essentiellement prescriptif pour le coup ou négatif, mais un sentiment de puissance après tout qu'on retrouve chez ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Le héros, ce n'est pas seulement celui qui obéit de manière mécanique à la loi morale, c'est celui qui affirme son indépendance par rapport à, même parfois, au principe de conservation, contre, je dirais, la clameur du monde qui consiste justement, surtout peut-être de nos jours d'ailleurs, à privilégier le calcul. Donc je dis deux figures de l'incalculable parce que la loi morale elle-même pose une exigence qui est irréductible au calcul en termes de coûts et de bénéfices, en termes de bien et de mal-être. On voit ici naître la figure du héros romantique, hein, seul face à ce ciel étoilé ou cette mer de nuages, si on pense au fameux tableau de Caspar Friedrich qui accompagne toutes les couvertures de livres soi-disant romantiques. On l'aura compris, donc l'autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Ça ne veut pas dire qu'on agit indépendamment des autres, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne, et ça c'est une grande différence entre Kant et Véronique Sanson. Michael Fossel d'être venu nous parler de Kant ce matin. Merci à vous. Vous ne nous avez pas offert toute la nuit, comme non. Le chant de Véronique Sanson, mais une heure et on l'a tout pris. Et peut-être, puisque c'est dans l'orbite de Michel Berger, l'idée que la liberté consiste à résister. Exactement, et là ça aurait pu être France Gall, un autre monde était possible. Je renvoie les auditeurs à votre livre, vous en avez écrit plusieurs sur Kant, mais notamment L'avenir de la liberté de Rousseau à Hegel, une histoire personnelle de la philosophie, ça c'est la collection au PUF. L'ouvrage sera mis en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et puis, pour lire la critique de la raison pratique, je ne saurais vous recommander, chers auditeurs, assez de lire la présentation et traduction en Garnier Flammarion de Jean-Pierre Fussler de ce texte canonique qui nous accompagne cette semaine. Il m'a offert toute sa vie. Et nous disons oui aussi à Anastasia Colosimo sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est l'heure du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a maintenant une semaine. Charles Aznavour, c'est le chansonnier prodigieux que tout le monde connaît, l'auteur et l'interprète de la bohème, d'Emmenez-moi, mais aussi de Hier encore ou de Comme ils disent, autant de morceaux qui font partie de notre panthéon musical et qui permettent de penser que la chanson n'a rien d'un art mineur. Mais si la France a perdu l'un de ses plus grands chansonniers et poètes, l'Arménie, elle, a perdu l'un de ses plus grands ambassadeurs. Car Charles Aznavour n'est pas né Charles Aznavour. Il est né Chanour Varinag Aznavourian, fils de Mamigon Aznavourian et Knar Bagdasarian, qui ont fui le génocide perpétré contre les Arméniens par les jeunes Turcs entre 1915 et 1916. Du côté maternel, la famille entière a été tuée. Seuls ont survécu la mère et l'arrière-grand-mère. De cette histoire douloureuse, Charles Aznavour porte tous les stigmates. S'il fait sa carrière en France, pays où il est né et où il a grandi, il n'oublie pas le pays de ses parents et, profitant de sa notoriété, devient rapidement un ambassadeur de la cause arménienne dans le monde. Après le séisme de 1988, le chanteur lance son association Aznavour pour l'Arménie et enregistre la chanson « Pour toi Arménie » pour apporter une aide financière aux victimes de la catastrophe. En 1995, il est nommé ambassadeur et délégué permanent de l'Arménie auprès de l'UNESCO. Il devient également membre du Conseil d'administration international de Arménia Fund, qui verse des millions de dollars d'aide humanitaire et d'aide au développement à Yerevan. Mais l'engagement d'Aznavour ne se limite pas à l'aide matérielle. Il milite aussi de manière très active pour la reconnaissance par la Turquie et par le monde entier du génocide arménien. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1975, soit très exactement 60 ans après la rafle des intellectuels arméniens du 24 avril 1915 à Constantinople, il enregistre à Londres sa chanson « Ils sont tombés ». Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. hommes, femmes et enfants, qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. En 2002, il tient le rôle principal dans le film Ararat d'Atom Egoyan, qui, à travers l'histoire d'une famille arménienne en exil, traite des difficultés de reconstituer une mémoire collective sur fond de négationnisme. Dans le film, on entend Charles Aznavour dire: All my life, I promised to tell our story, how we suffered, and now we are making this film. Toute ma vie, j'ai voulu filmer notre histoire, notre souffrance. Maintenant, nous faisons ce film. Toute sa vie, donc, Charles Aznavour aura œuvré à faire sortir de l'oubli plus d'un million d'Arméniens, représentant les deux tiers de la population arménienne de l'époque, massacrés sur ordre du comité Union et Progrès, composé du triumvirat d'officiers Talat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha, qui dirigeaient alors l'Empire ottoman. Talat Pacha, c'est l'homme qui aurait donné l'ordre: tuer tous les hommes, femmes et enfants arméniens sans exception. Ayant eu le temps de s'enfuir en Allemagne après la défaite de l'Empire ottoman, il est condamné à mort par contumace en 1919 par la cour martiale de Constantinople. Il sera finalement abattu en pleine rue à Berlin le 15 mars 1921 par Sogomon Télirian dans le cadre de l'opération clandestine Némésis, du nom de la déesse grecque de la juste colère et de la rétribution divine. C'est le procès de Télirian qui inspirera au jeune Raphaël Lemkin le concept de génocide, qui deviendra par la suite une des pierres angulaires du nouveau droit pénal international. Des années plus tard, dans Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt saluera l'action de Télirian, qui par cet acte et par la volonté qu'il a eue d'être jugé pour cet acte, a voulu montrer au monde que le droit, parfois, n'épuise pas la justice. Aujourd'hui encore, la reconnaissance du génocide arménien ne fait pas consensus. Seuls 27 pays dans le monde l'ont officiellement reconnu à ce jour. En 2016, la reconnaissance du génocide par le Parlement allemand a même entraîné une crise diplomatique entre Berlin et Ankara, le président turc Erdogan ayant clamé haut et fort qu'il n'acceptera jamais de telles accusations. Aznavour s'était alors confié dans les médias pour dire qu'il gardait espoir et qu'il était sûr qu'un jour viendrait où les Turcs reconnaîtraient leurs crimes. Que cette reconnaissance était nécessaire pour que, selon ses propres mots, ce peuple sans sépulture ne sombre pas dans l'oubli. Alors qu'il s'est endormi, espérons comme lui que ce jour viendra, et qu'en attendant, la jeune garde arménienne reprenne le flambeau de son combat pour la mémoire et pour la vérité. Merci beaucoup Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Colomba Grossi, Sharon Houri, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine qu'ancienne. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Youtou Diego Aclopez. À la lecture des textes, cette semaine, Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la critique de la raison pratique de Kant. Demain, je serai en compagnie de Michel Cohen-Halimi qui vous posera une question, à laquelle je poserai une question que vous vous posez. Suffit-il d'être vertueux pour être heureux ? La réponse de Kant, demain à 10h. D'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h, précis sur France Culture. Mais d'ici là, restez à l'écoute.